En Corée, en mars de cette année significative, marquant le 35e anniversaire de la publication de l'œuvre classique du général Kim Jong-il, des idées du Juche, des milliers de personnes ont visité l'exposition des œuvres des idées du Juche. Au nouveau centenaire du Juche, plus de 380 000 militaires, travailleurs, jeunes, étudiants, étrangers et compatriotes coréens d'outre-mer l'ont visité.